Voyage sentimental de Stern, deuxième partie, chapitre 12, le bouquet. Le reste, monsieur, dit-il, quand je lui eus dit ce qui me manquait, il n'y en avait que deux feuilles, celle-ci et une autre dont j'ai enveloppé les tiges du bouquet que j'avais et que j'ai donné à la demoiselle, que j'ai été trouver sur le boulevard. Je t'en prie, la fleur, retourne la voir et demande-lui l'autre feuille, si par hasard elle l'a conservée. Elle l'aura sans doute, dit-il, et il part en volant. Il ne fut que quelques instants à revenir. Il était étouffé, et plus triste que s'il eût perdu la chose la plus précieuse. Juste ciel, me dit-il, monsieur, il n'y a qu'un quart d'heure que je lui ai fait le plus tendre adieu. Et la volage en ce peu de temps a donné ce gage de ma tendresse à un valet de pied du comte. J'ai été le lui demander. Il l'avait donné lui-même à une jeune lingère du coin, et celle-ci en a fait présent à un joueur de violon qu'il avait emporté je ne sais où. Et la feuille de papier avec? Oui, monsieur. Nos malheurs étaient enveloppés dans la même aventure. Je soupirai, et la fleur soupira, mais un peu plus haut. Quelle perfidie! S'écria la fleur. Cela est malheureux, disait son maître. Cela ne m'aurait pas fait de peine, disait la fleur, si elle l'avait perdue, ni à moi, la fleur, si je l'avais trouvée. Chapitre 13. L'aile de charité. Un homme qui craint d'entrer dans un passage obscur peut être très galant homme et propre à faire mille choses, mais il lui est impossible de faire un bon voyageur sentimental. Je fais peu de cas de ce qui se passe au grand jour et dans les grandes rues. La nature est retenue et n'aime pas à agir devant les spectateurs. Mais on voit quelquefois dans un coin retiré de courtes scènes qui valent mieux que tous les sentiments d'une douzaine de tragédies du Théâtre-Français réunies. Elles sont cependant bien bonnes. Elles sont aussi utiles aux guerriers. Et quand je veux faire quelques sermons plus brillants qu'à l'ordinaire, je les lis. Et j'y trouve un fond inépuisable de matériaux. La Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, le Mexique me fournissent des textes aussi bons que la Bible. Et il y a un passage fort long et fort obscur qui va de l'opéra comique à une rue fort étroite. Il est fréquenté par ceux qui attendent humblement l'arrivée d'un fiacre, ou qui veulent se retirer tranquillement à pied, quand la foule des carrosses s'est écoulée. Le bout de ce passage vers la salle est éclairé par un lampion, dont la lumière faible se perd avant qu'on arrive à l'autre bout. Ce lumignon est peu utile, mais il sert d'ornement. Il est, de loin, comme une étoile fixe de la moindre grandeur. Elle brûle et ne fait aucun bien à l'univers. J'aperçus dans ce passage, à 5 ou 6 pas de la rue, deux dames qui se tenaient par le bras et qui avaient l'air d'attendre une voiture. Je me tapis le long du mur, presque à côté d'elles, et m'y tins tranquillement. J'étais en noir, et à peine pouvait-on distinguer qu'il y eût là quelqu'un. Je ne pouvais pas trop bien discerner moi-même les traits des deux dames, mais j'avais passé tout près d'elles, et j'avais, je crois, remarqué que celle dont j'étais le plus proche était grande, maigre, et d'environ 36 ans. L'autre aussi était grande, aussi maigre, et paraissait plus âgée. Je ne sais si elles étaient mariées, si elles étaient veuves, ou si ce n'était pas par hasard un duo de tristes vestales, aussi ennuyées de lettres que vaines à leur grand regret d'en afficher le titre. Ce que je crus voir le mieux, c'est qu'elles n'avaient pas l'air d'être plus accoutumées au doux langage des amants qu'à leurs tendres caresses. Je ne pouvais pourtant pas les rendre heureuses, mais le bonheur ce soir était destiné à leur venir d'une autre main. Une voix basse, avec une bonne tournure d'expression, terminée par une douce cadence, se fit entendre et leur demanda, pour l'amour de Dieu, une pièce de 12 sols entre elles deux. Il me parut singulier d'entendre un mendiant fixer le contingent d'une aumône, et surtout de le fixer à 12 fois plus haut qu'on ne donne ordinairement, ou en plein jour, ou dans l'obscurité. Les dames en parurent tout aussi surprises que moi. « 12 sols ? » fit l'une. « Une pièce de 12 sols ? » dit l'autre. « Et point de réponse. »« Je ne sais, mesdames, dit le pauvre, comment demander moins des personnes de votre rang. » Et il leur fit une profonde révérence. « Passez, passez, dirent-elles, nous n'avons point d'argent. » Il garda le silence pendant une minute ou deux, et renouvela sa prière. « Ne fermez pas vos oreilles, mes belles dames, dit-il à mes accents. Mais, mon bonhomme, dit la plus jeune, nous n'avons point de monnaie. Que Dieu vous bénisse donc, dit-il, et multiplie envers vous ses faveurs. » L'aîné mit la main dans sa poche. « Voyons donc, dit-elle, si je trouverai un seul marqué. » « Un seul marqué a donné la pièce de 12 sols, dit l'homme. La nature a été libérale à votre égard, soyez-le envers un malheureux qu'elle semble avoir abandonné. « Volontiers, dit la plus jeune, si j'en avais. » « Beauté compatissante, dit-il en s'adressant à toutes deux, il n'y a que votre bonté, votre bienfaisance, qui donne à vos yeux un éclat si doux et si brillant. Et c'est ce qui faisait dire tout à l'heure au marquis de Villiers et à son frère, en passant, des choses si agréables de vous. » Les deux dames s'affectèrent et toutes deux à la fois mirent la main dans leur poche, et en tirèrent chacune une pièce de 12 sols. Le pauvre et elle ne luttaient plus. Il n'y eut de contestation qu'entre elles pour savoir qui donnerait la pièce de 12 sols. Et leur envie paraissait de l'empressement. La dispute se termina par les donner toutes deux, et l'homme se retira. Chapitre 14. L'énigme expliquée. Je courus vite après lui, et je fus tout étonné de voir le même homme que j'avais vu devant l'hôtel de Modène, et qui m'avait jeté l'esprit dans un si grand embarras. Je découvris tout d'un coup son secret, ou au moins ce qui en était la base. C'était la flatterie. Parfum délicieux, quel rafraîchissement ne donnes-tu pas à la nature? Comme tu remues toutes ses puissances et toutes ses faiblesses. Avec quelle douceur tu pénètres dans le sang et tu l'aides à franchir les passages les plus difficiles qu'il rencontre dans sa route pour aller au cœur. L'homme en ce moment n'était pas gêné par le temps, et il prodigua à ses dames ce qu'il était sans doute forcé d'épargner dans d'autres circonstances. Il est sûr qu'il savait se réduire à moins de paroles dans les cas pressés, tels que ceux qui arrivaient dans la rue. Mais comment faisait-il? L'inquiétude de le savoir ne me tourmente pas. C'est assez pour moi d'être instruit qu'il gagna 2 pièces de 12 sols. Que ceux qui ont fait une fortune plus considérable par la flatterie expliquent le reste. Ils y réussiront mieux que moi. Chapitre 15. Essai. Nous nous avançons moins dans le monde en rendant des services qu'en en recevant. Nous prenons le rejeton fané d'un œillet, nous le plantons et nous l'arrosons parce que nous l'avons planté. Mais le comte de B, qui m'avait été si utile pour mon passeport, me le fut encore. Il était venu à Paris et devait y rester quelques jours. Il s'empressa de me présenter à d'autres et ainsi de suite. Je venais de découvrir, assez à temps, le secret que je voulais approfondir pour tirer parti de ses honneurs et les mettre à profit. Sans cela, je n'aurais dîné ou soupé qu'une seule fois à la ronde, chez toutes ces personnes, comme cela se pratique ordinairement, et en traduisant, selon ma coutume, les figures et les attitudes françaises en anglais, j'aurais vu à chaque fois que j'avais pris le couvert de quelqu'un qui aurait été plus agréable à la compagnie que moi. L'effet tout naturel de ma conduite eût été de résigner toutes mes places l'une après l'autre, uniquement parce que je n'aurais pas su les conserver. Mon secret opéra si bien que les choses n'allèrent pas mal. Je fus introduit chez le vieux duc de... Il s'était signalé autrefois par une foule de faits de chevalerie dans la cour de Cythère, et il conservait encore l'idée de ses jeux et de ses tournois. Mais il aurait voulu faire croire que les choses étaient encore ailleurs que dans sa tête. « Je veux, disait-il, faire un tour en Angleterre. » Et il s'informait beaucoup des dames anglaises. « Croyez-moi, lui dis-je, monsieur le duc, restez où vous êtes. Les seigneurs anglais ont beaucoup de peine à obtenir de nos dames un seul coup d'œil favorable. » Et le vieux duc m'invita à dîner. Monsieur de fermier général me fit une foule de questions sur nos taxes. « J'entends dire, me dit-il, qu'elles sont considérables. » « Oui, lui dis-je, en lui faisant une profonde révérence, mais vous devriez nous donner le secret de les recueillir. » Et il me pria à souper dans sa petite maison. On avait dit à la vicomtesse de G que j'étais un homme d'esprit. Madame la vicomtesse était elle-même une femme d'esprit. Elle brûlait d'impatience de me voir et de m'entendre parler. Je ne fus pas plus tôt assis que je m'aperçus que la moindre des inquiétudes était de savoir que j'eusse de l'esprit ou non. Il me sembla qu'on ne m'avait laissé entrer que pour que je susse qu'elle en avait. Je prends le ciel à témoin que je ne desserrai pas une fois les lèvres, et Madame de G exigea que je fusse de la société. Madame de F assurait à tout le monde qu'elle n'avait jamais eu avec qui que ce soit une conversation plus instructive que celle qu'elle avait eue avec moi. Il y a trois époques dans l'empire d'une dame d'un certain ton en France. Elle est coquette, puis déiste, et enfin dévote. L'empire subsiste toujours, elle ne fait que changer de sujet. Les esclaves de l'amour se sont-ils envolés à l'apparition de sa 35e année, ceux de l'incrédulité leur succèdent. Viennent ensuite ceux de l'Église. Madame de F. chancelait entre les deux premières époques. Ses roses commençaient à se faner, et il y avait 5 ans au moins, quand je lui rendis ma première visite, qu'elle devait pencher vers le déisme, et je m'en aperçus bientôt. Elle me fit placer sur le sofa où elle était, afin de parler plus commodément et de plus près sur la religion. Et nous n'avions pas causé 4 minutes qu'elle me dit « Pour moi, je ne crois à rien du tout. » Il se peut, madame, que ce soit votre principe, mais je suis sûr qu'il n'est pas de votre intérêt de détruire des ouvrages extérieurs aussi puissants. Une citadelle ne résiste guère quand elle en est privée. Rien n'est si dangereux pour une beauté que d'être déiste, et je dois cette dette à mon credo de ne pas vous le cacher. Eh bon Dieu, madame, quels ne sont pas vos périls? Il n'y a que 4 ou 5 minutes que je suis auprès de vous, et j'ai déjà formé des desseins. Qui sait si je n'aurais pas tenté de les suivre, si je n'avais pas été persuadé que les sentiments de votre religion seraient un obstacle à leur succès? Nous ne sommes pas des diamants, lui dis-je, en lui prenant la main. Il nous faut des contraintes jusqu'à ce que l'âge se glisse sur nous. Et nous les donne. Mais, ma belle dame, ajoutai-je, en lui baisant la main que je tenais, il est encore trop tôt, le temps n'est pas encore venu. Je peux le dire, je passais dans tout Paris pour avoir converti madame de F. Elle rencontra D et l'abbé M, et leur assura que je lui en avais plus dit en 4 minutes en faveur de la religion révélée qu'il n'en avait écrit contre elle dans toute leur encyclopédie. Je fus enregistré sur le champ dans la coterie de madame de F, qui différa de 2 ans l'époque déjà commencée de son déisme. Je me souviens que j'étais chez elle un jour. Je tâchais de démontrer au cercle qui s'y était formé la nécessité d'une première cause. J'étais dans le fort de mes preuves. Et tout le monde y était attentif, lorsque le jeune comte de S me prit mystérieusement par la main. Il m'attira dans le coin le plus reculé du salon, et me dit tout bas, « Vous n'y avez pas pris garde. Votre solitaire est attaché trop serré. Il faut qu'il badine. Voyez le mien, je ne vous en dis pas davantage. Un mot, monsieur Yorick, suffit au sage. Et un mot qui vient du sage suffit, monsieur le comte. Et monsieur le comte m'embrassa avec plus d'ardeur que je ne l'avais jamais été. Je fus ainsi de l'opinion de tout le monde pendant 3 semaines. Parbleu, disait-on, ce monsieur Yorick, ma foi, a autant d'esprit que nous. Il raisonne à merveille, disait quelqu'un d'autre. On ne peut être de meilleure compagnie, ajoutait quelqu'un. J'aurais pu à ce prix manger dans toutes les maisons de Paris et passer ainsi ma vie au milieu du beau monde. Mais quel métier! J'en rougissais. C'était jouer le rôle de l'esclave le plus vil. Tout sentiment d'honneur se révoltait contre ce genre de vie. Plus les sociétés dans lesquelles je me trouvais étaient élevées, et plus je me trouvais forcé de faire usage du secret que j'avais appris dans le cul-de-sac de l'opéra comique. Plus la coterie avait de réputation, et plus elle était fréquentée par les enfants de l'art, et il fallait les surpasser pour plaire, et je languissais après les enfants de la nature. Une nuit que je m'étais vilement prostitué à une demi-douzaine de personnes du plus haut parage, je me trouvais incommodé. J'allais me coucher. Je dis le lendemain de grand matin à la fleur d'aller chercher des chevaux de poste, et je quittai Paris et les bons amis que l'adulation m'y avait donnés. Chapitre 16. Juliette. Je voulais voir la Bretagne, et j'avais des raisons pour passer par la Loire. Peut-être y rencontrerai-je la charmante Juliette. Je n'ai jamais senti jusqu'à présent l'embarras que cause l'abondance. Mais quel spectacle pour un voyageur quand il traverse la Touraine dans le temps des vendanges, lorsque la nature verse ses biens sur le cultivateur laborieux et que tout le monde est dans la joie, que ces coteaux si riants et si agréables de la Loire sont différents de ces campagnes sombres que nous traversons en Angleterre. Je donnerais tous les palais de l'univers pour y avoir une cabane couverte de chaume. Mais c'est à une condition, ma Lisette. Je voudrais que tu l'habitasses avec moi. Quel ravissement pour mon cœur en faisant ce voyage. La musique à chaque pas battait le temps au travail. Et tous les enfants portaient leurs grappes en dansant au pressoir. Mes sensations n'ont jamais été si vives. Les aventures naissaient à toutes les postes où je m'arrêtais. Juste ciel, quelle ample matière est sous ma main. Elle me suffirait pour 20 volumes. Hélas, l'histoire de Juliette, de la pauvre Juliette, va me prendre la moitié de ce qui me reste à écrire. Mon ami Monsieur Chandy l'avait connue près d'Amboise, et l'histoire de cette fille infortunée, dont l'esprit était égaré, m'avait sensiblement affecté. J'étais au relais de veuve, et je ne pus résister au désir que j'avais de savoir de ses nouvelles. Je fis une demi-lieue à pied pour aller au village où demeuraient ses parents. J'avoue que c'était aller en chevalier de la triste figure, à la recherche des aventures mélancoliques, mais je ne sais comment cela arrive. Je ne suis jamais plus convaincu qu'il existe en moi une âme que quand je me trouve au milieu des accidents funestes. La vieille mère vint m'ouvrir la porte, et sa physionomie me conta toute l'histoire avant qu'elle ouvrît la bouche. Elle avait perdu son mari. Il était mort, 1 mois auparavant, de chagrin de voir l'égarement de l'esprit de sa fille Juliette. Elle avait d'abord craint que cet événement n'eût dérangé le jugement qui lui restait, mais elle était au contraire un peu revenue à elle-même. Elle me dit qu'elle était toujours inquiète. « Hélas, dit-elle en pleurant, ma pauvre fille rôde quelque part autour du village. Pourquoi mon pouls bat-il langoureusement pendant que j'écris ceci? Et pourquoi la fleur dont le cœur ne semblait tourner qu'à la joie passa-t-il deux fois le dos de sa main sur ses yeux pendant que la femme nous parlait? J'avais dit au postillon de conduire la chaise à Amboise. Lorsque nous n'en étions plus qu'à une demi-lieue dans un petit sentier qui menait à un clos de vigne, j'aperçus la pauvre Juliette assise sous un saule. Son coude était appuyé sur ses genoux et sa tête sur sa main. Un petit ruisseau coulait au pied de l'arbre. Il dit à la fleur de gagner la ville et d'ordonner le souper. Elle était habillée de blanc et à peu près comme mon amie me l'avait dépeinte, si ce n'est que ses cheveux, quand il la vit, étaient retenus par un réseau de soie, et qu'en ce moment elle les avait épars et flottants. Elle avait aussi ajouté à son corset un ruban d'un vert pâle qui, en passant par-dessus son épaule, tombait jusqu'à sa ceinture et suspendait son chalumeau. Sa chèvre lui avait été aussi infidèle que son amant, et elle avait à sa place un petit chien qu'elle tenait en laisse avec une petite corde attachée à son bras. Je regardai le chien, et elle le tira vers elle. « Tu ne me quitteras pas, Silvio, » dit-elle. Je la fixai, et je vis, aux larmes qui coulaient de ses yeux, pendant qu'elle proférait ces mots, qu'elle pensait plus à son père qu'à son amant et à sa chèvre, qui avait été inconstant. Je m'assis auprès d'elle, et elle me permit d'essuyer ses pleurs avec mon mouchoir. J'essuyai les miens à mon tour, et je sentis en moi des sensations qui ne pouvaient certainement provenir d'aucune combinaison de matière et de mouvement. Oh, je suis assuré que j'ai une âme. Les matérialistes et tous les livres dont ils ont infesté le monde ne pourront jamais me convaincre du contraire. Chapitre 17. Suite de l'histoire de Juliette. Juliette était un peu revenue à elle. Je lui demandai si elle se souvenait d'un grand homme, pâle et maigre, qui s'était assis entre elle et sa chèvre il y avait 2 ans. Elle me dit qu'elle avait eu l'esprit fort aliéné dans ce temps, mais que cependant elle s'en souvenait par 2 circonstances. L'une qu'elle voyait bien, puisque je venais la voir, que ce monsieur était touché de son sort, et l'autre parce que sa chèvre lui avait dérobé son mouchoir et qu'elle l'avait battu pour cela. Elle l'avait retrouvé et lavé dans le ruisseau, et l'avait conservé depuis dans sa poche pour le lui rendre si jamais elle le revoyait. « Il me l'a promis à demi, » ajouta-t-elle. Elle tira aussitôt le mouchoir de sa poche pour me le montrer. Elle l'avait enveloppé dans des feuilles de vigne qu'elle renouvelait de temps en temps et qui était lié avec un osier. Elle le déploya, et je vis qu'il était marqué d'une S dans un des coins. Elle me raconta qu'elle avait été depuis ce temps-là à Rome, qu'elle avait fait une fois le tour de l'église Saint-Pierre, qu'elle avait trouvé son chemin toute seule à travers de l'Apennin, qu'elle avait traversé toute la Lombardie sans argent, et les chemins pierreux de la Savoie sans souliers. Elle ne se souvenait point de la manière dont elle avait été nourrie, ni comment elle avait pu supporter tant de fatigue. Mais Dieu, dit-elle, tempère le vent en faveur de l'agneau nouvellement tondu, et tondu au vif, lui dis-je. Ah, si tu étais dans mon pays, où j'ai un petit hameau, je t'y mènerais, je te mettrais à l'abri des accidents. Tu mangerais de mon pain, tu boirais de ma coupe. J'aurais soin de ton Silvio. Je te chercherais et te ramènerais quand tu succomberais à tes écarts et à tes faiblesses. Je dirai mes prières quand le soleil se coucherait. Et mes prières faites, tu jouerais ton chant du soir sur ton chalumeau. L'encens de mon sacrifice serait plus agréable au ciel quand il serait accompagné de celui d'un cœur douloureux. Je sentais la nature fondre en moi en disant tout cela, et Juliette, voyant que je prenais mon mouchoir déjà trop mouillé pour m'en servir, voulut le laver dans le ruisseau. « Mais où le ferais-tu sécher, ma chère enfant ?»« Dans mon sein, dit-elle. Cela me ferait du bien. Est-ce que ton cœur ressent encore des feux, ma chère Juliette ?» Je touchai là une corde sur laquelle étaient tendus tous ces mots. Elle me fixa quelques moments avec des yeux en désordre, puis, sans rien dire, prit son chalumeau et joua une hymne à la Vierge. La vibration de la corde que j'avais touchée, c'est ça. Juliette revient à elle, laissa tomber son chalumeau et se leva. « Où vas-tu, ma chère Juliette ? » lui dis-je. Elle me dit qu'elle allait à Amboise. « Eh bien, allons ensemble. » Elle me prit le bras et allongea la corde pour laisser à son chien la facilité de nous suivre avec plus de liberté. Chapitre 18. Les adieux. Nous arrivâmes à Amboise. Les places et les rues étaient pleines de monde. On y attendait pour la première fois Madame la Duchesse de... Sa bienfaisance y avait devancé plus d'un depuis longtemps son arrivée, et la joie était peinte sur tous les visages. Le plaisir respirait dans tous les cœurs. Ô vertu, voilà quels sont tes charmes. Tu inspires l'allégresse partout où tu te montres. Nous nous trouvâmes au milieu de la foule empressée. Juliette en était connue, et je vis qu'elle intéressait tout le monde à son sort. Je m'arrêtai pour lui faire mon dernier adieu. Juliette n'était pas grande, mais elle était bien faite. L'affliction avait fait impression sur sa physionomie. Elle avait un air délicat et tout ce que le cœur peut désirer en une femme. Ah, si elle pouvait recouvrer son bon sens, et si les traits de ma Lisette pouvaient s'effacer de mon esprit. Juliette, oui, elle mangerait de mon pain, elle boirait de ma coupe. Je ferais plus. Elle serait reçue dans mon sein. Elle serait ma fille, ou tout ce qu'on peut être de plus cher. Adieu, fille infortunée. Imbibe l'huile et le vin que la compassion d'un étranger verse en passant sur ta blessure. L'être qui t'a créé peut seul la guérir. Chapitre 19. La Touraine. Je comptais sur les sensations les plus joyeuses en parcourant ce pays charmant au milieu des vendanges, mais je n'étais pas susceptible d'en éprouver. Les scènes de gaieté qui se présentaient à mes yeux à chaque pas ne m'en inspiraient point. Mon imagination me rappelait tant cette Juliette assise d'un air triste et pensif au pied de son saule, et je me trouvais près d'Angers. Que son attitude mélancolique n'était pas encore effacée de mon esprit. Charmante sensibilité, source inépuisable de nos plaisirs les plus parfaits et de nos douleurs les plus cuisantes, tu enchaînes ton martyr sur son lit de paille, ou tu l'élèves jusqu'au ciel. Source éternelle de nos sensations, c'est ta divinité qui me donne ces émotions. Mon âme, dans certains moments funestes et maladifs, languit dans la nonchalance et s'effraie de la destruction du corps qu'elle anime. Mais ce ne sont que des paroles pompeuses. Je sens en moi que cette destruction doit être suivie des plaisirs et des soins les plus doux. Tout vient de toi, grand émanateur de ce monde. C'est toi qui amollis nos cœurs et nous rend compatissants aux maux d'autrui. C'est par toi que mon ami tire les rideaux de mon lit quand je suis languissant, qu'il écoute mes plaintes et cherche à me consoler. Tu sais passer quelquefois cette douce compassion dans l'âme du pâtre grossier qui habite les montagnes les plus âpres. Il s'attendrit quand il trouve égorgé un agneau du troupeau de son voisin. Je l'ai vu dans ce moment, sa tête appuyée contre sa houlette, le contempler avec pitié. Ah, si j'étais arrivé un moment plus tôt, s'écriait-il, le pauvre agneau perd tout son sang. Il meurt et son cœur enseigne. Que la paix soit avec toi, généreux berger. Tu t'en vas tout affligé, mais le plaisir balancera ta douleur, car le bonheur entoure ton hameau. Heureuse est celle qui le partage avec toi. Heureux sont les agneaux qui bondissent autour de toi. Chapitre 20. Le soir et les grâces. Je voulais aller voir un de mes anciens amis qui s'était retiré dans une petite ville d'Anjou, à 6 lieues à droite d'Angers. Le chemin est bien difficile pour la poste, me dit-on. Monsieur se connaît en difficulté, dit la fleur. Venez toujours. Un fer se détacha d'un pied de devant du cheval de brancard dans un chemin pierreux. Le postillon descendit et le mit dans sa poche. À peine avions-nous fait une lieue que le fer de l'autre pied se détacha aussi, et il n'y avait pas moyen d'aller plus loin, sans courir le risque de faire blesser le cheval. Il fallait au moins lui donner un poids plus léger, et je descendis. J'aperçus une maison à quelques portées de fusil du chemin, et je dis au postillon de m'y suivre. L'air de la maison, et de tout ce qui l'entourait, ne me fit point regretter mon désastre. C'était une jolie ferme, entourée d'un beau clos de vignes. Il y avait d'un côté un potager rempli de tout ce qui pouvait entretenir l'abondance dans la maison d'un paysan, et de l'autre un petit bois qui pouvait fournir de chauffage. Je laissai au postillon le soin de s'arranger, et j'entrai tout droit dans la maison. La famille était composée d'un vieillard à cheveux blancs, de sa femme, de leur fils, de leur gendre, de leur femme et de leurs enfants. Ils allaient se mettre à table pour manger leur soupe aux lentilles. Un gros pain de froment occupait le milieu de la table, et une bouteille de vin à chaque bout promettait de la joie pendant le repas. C'était un festin d'amour et d'amitié. Le vieillard se lève aussitôt pour venir à ma rencontre et m'invite avec une cordialité respectueuse à me mettre à table. Mon cœur s'y était mis dès le moment que j'étais entré. Je m'assis tout de suite comme un des enfants de la famille, et pour en prendre plutôt le caractère, j'empruntai le couteau du vieillard et je me coupai un gros morceau de pain. Tous les yeux me voyant faire semblaient me dire que j'étais le bienvenu, et qu'on me remerciait de la liberté que j'avais prise. Était-ce cela, ou, dis-le-moi, nature, était-ce autre chose qui me faisait paraître ce morceau si friand ? À quelle magie étais-je redevable des délices que je goûtais en buvant un verre de vin de cette bouteille et qui me semble encore m'affecter le palais? Le souper était de mon goût, les grâces qui se suivirent en furent encore plus. Le souper fini, le vieillard donna un coup sur la table avec le manche de son couteau. C'était le signal de se lever de table et de se préparer à danser. Dans l'instant, les femmes et les filles courent dans une chambre à côté pour arranger leurs cheveux, et les hommes et les garçons vont à la porte pour se laver le visage et quitter leurs sabots pour prendre des souliers. En 3 minutes, toute la troupe est prête à commencer le bal sur une petite esplanade de gazon qui était devant la cour. Le vieillard et sa femme sortent les derniers. Je les accompagne et me place entre eux sur un petit sofa de verdure. Le vieillard, dans sa jeunesse, avait su jouer assez bien de la vielle, et il en jouait encore passablement. La femme l'accompagnait de la voix, et les enfants et les petits-enfants dansaient. Je dansais moi-même, quoique assis. Au milieu de la seconde danse, et à quelques pauses dans les mouvements où ils semblaient tous lever les yeux, je crus entrevoir que cette élévation était l'effet d'une autre cause que celle de la simple joie. Il me sembla en un mot que la religion était mêlée pour quelque chose dans la danse. Je ne l'avais jamais vue s'engager dans ce plaisir, et je commençais à croire que c'était l'illusion d'une imagination qui me trompe continuellement lorsque la danse finit. Le vieillard me dit « Monsieur, c'est là ma coutume. Dans toute ma vie, j'ai toujours eu pour règle, après souper, de faire sortir ma famille pour danser et se réjouir. Je m'imagine que le contentement et la gaieté de l'esprit sont les meilleures espèces de grâce qu'un homme comme moi, qui n'est point instruit, pouvait rendre au ciel. Ce seraient peut-être même aussi les meilleurs, des plus savants prélats, lui dis-je. Chapitre 21 et dernier. Le cas de délicatesse. Il y a entre la petite ville où j'allais et Rennes des chemins presque impraticables, par les hauteurs, les descentes, les ruisseaux et les fondrières qu'on trouve en certains endroits. Adieu alors à tous les mouvements rapides et précipités. Il faut voyager avec précaution, mais il convient mieux au sentiment de ne pas aller si vite. Je fis marcher avec un voiturier pour me conduire aussi lentement qu'il voulait dans cette traversée difficile. Les habitants en sont pauvres, tranquilles et doués d'une grande probité. Chers villageois, ne craignez rien. Le monde ne vous enviera pas votre pauvreté, trésor inépuisable de vos simples vertus. Nature, parmi tous tes désordres, tu es encore favorable à la modicité que tu fournis. Au milieu des grands ouvrages qui t'environnent, tu n'as laissé que peu ici pour la faux et la faucille. Mais ce peu est en sûreté, il est protégé. Le plus fort n'envahit rien au plus faible. Heureuses les demeures qui sont ainsi mises à l'abri de la cupidité et de l'envie. Que le voyageur fatigué se plaigne, s'il veut, des détours et des dangers de vos routes, de vos collines pierreuses, de vos fondrières et des obstacles de toute espèce qui l'arrêtent dans son chemin. Moi, mes chers amis, j'aime à voyager parmi vous. Les habitants d'un village voisin avaient travaillé tout le jour à rendre praticable un endroit où nous arrivâmes. Nous n'aurions pu y passer la veille, et ils avaient encore pour 2 heures d'ouvrage. Il n'y avait point d'autre remède que d'attendre avec patience la nuit qui était pluvieuse et orageuse s'approchant. Le voiturier fut obligé de s'arrêter dans la seule hôtellerie qu'il y avait dans le village. Je pris aussitôt possession de ma chambre à coucher. L'air était devenu très froid, je fis faire bon feu, et je donnai des ordres pour le souper. Je remerciai le ciel de ce que les choses n'étaient pas pires, lorsqu'une dame et sa femme de chambre arrivèrent dans l'auberge. Il n'y avait pas d'autre chambre à coucher dans la maison que la mienne, et l'hôtesse les y amena sans façon, en leur disant qu'il n'y avait d'autre personne qu'un gentilhomme anglais, qu'il y avait 2 bons lits, et qu'il y en avait 1/3 dans le cabinet à côté. Mais à la manière dont elle parlait de ce 3e lit, il aurait presque autant valu qu'elle n'en eût point eu. Elle ajouta qu'elle osait avancer que le monsieur serait de son mieux pour arranger les choses. Et moi, pour ne pas tenir la dame en suspens, je lui dis que je ferais tout ce que je pourrais. Mais cela ne voulait pas dire que je la rendrais la maîtresse absolue de ma chambre. J'en étais encore propriétaire, et j'avais le droit d'en faire les honneurs. Je priai donc la dame de s'asseoir, je la plaçai dans le coin le plus chaud, je demandai du bois, je dis à l'hôtesse d'augmenter le souper, et de ne point oublier que je lui avais recommandé de donner le meilleur vin. La dame ne fut pas 5 minutes auprès du feu qu'elle jeta les yeux sur les lits. Plus elle les regardait, plus son inquiétude semblait augmenter. J'en étais mortifié pour elle et pour moi, et je n'étais peut-être pas moins embarrassé qu'elle. C'en était assez pour causer cet embarras que les lits fussent dans la même chambre. Mais ce qui nous troublait le plus, c'était leur position. Ils étaient parallèles et si proches l'un de l'autre qu'il n'y avait de place entre les deux que pour mettre une chaise. Ils n'étaient guère plus éloignés du feu. Le manteau de la cheminée d'un côté s'avançait fort avant dans la chambre, et avec une grosse poutre de l'autre, il formait une espèce d'alcôve qui n'était point du tout favorable à la délicatesse de nos sensations. D'ailleurs, les lits étaient si étroits qu'il n'y avait pas moyen de songer à faire coucher la femme de chambre avec sa maîtresse. Si cela avait été faisable, l'idée qu'il fallait que je couchasse auprès d'elle aurait glissé plus aisément sur l'imagination. Le cabinet n'était pas consolant. Il était humide, froid. La fenêtre en était à moitié brisée, il n'y avait point de vitre. Le vent y soufflait, et il était si violent qu'il me fit tousser quand j'y entrai avec la dame pour le visiter. L'alternative où nous nous trouvâmes réduits était donc fort inquiétante. La dame sacrifierait-elle sa santé à sa délicatesse, en abandonnant le lit à la femme de chambre, ou la femme de chambre prendrait-elle le cabinet en laissant la dame exposée aux entreprises qu'un joli minois peut suggérer à un étranger? Le cas n'était pas aisé à résoudre. La dame était une jolie Nantaise d'environ 25 ans dont le teint l'aurait disputé à l'éclat des roses. La femme de chambre était blaisoise, vive, leste, et n'avait pas plus de 20 ans. Ces circonstances augmentaient les difficultés, et le poids qui accablait nos esprits n'était pas allégé par la délicatesse que nous avions de ne pas nous communiquer l'un à l'autre ce que nous sentions dans cette occasion. Le souper vint et nous nous mîmes à table. Je crois que si nous n'eussions pas eu du meilleur vin que celui qu'on nous donna, nos langues auraient été liées jusqu'à ce que la nécessité nous eût forcé de leur donner de la liberté. Mais la dame avait heureusement quelques bouteilles de bon vin de Bourgogne dans sa voiture, et elle envoya la femme de chambre en chercher deux. Nous nous sentîmes inspirés d'une force d'esprit suffisante pour parler, au moins sans réserve, de notre situation. Nous l'examinâmes de tous côtés. Pendant plus d'une heure, pour tâcher de trouver quelque heureux moyen de régler la chose, enfin, après l'avoir retourné dans tous les sens, nous convînmes de nos articles. Et peut-être n'a-t-on jamais fait un traité de paix qu'on ait exécuté plus religieusement des deux côtés. Voici le nôtre. Article 1er. Comme le droit de la chambre à coucher appartient à monsieur, et qu'il croit que le lit qui est le plus proche du feu est le plus chaud, il le cède à madame. Accordé de la part de madame, pourvu que les rideaux des deux lits, qui sont d'une toile de coton presque transparente et trop étroits pour bien fermer, soient attachés à l'ouverture avec des épingles, ou même entièrement cousus avec une aiguille et du fil, afin qu'ils soient censés former une barrière suffisante du côté de monsieur. Article 2. Il est demandé de la part de madame que monsieur soit enveloppé toute la nuit dans sa robe de chambre. Refusé, parce que monsieur n'a pas de robe de chambre, et qu'il n'a dans son porte-manteau que 6 chemises et une culotte de soie noire. La mention de la culotte de soie noire fit un changement total dans cet article. On regarda la culotte comme un équivalent de la robe de chambre. Il fut donc convenu que j'aurais toute la nuit ma culotte de soie noire. Article 3. Il est stipulé de la part de madame que, dès que monsieur sera au lit et que le feu et la chandelle seront éteints, monsieur ne dira pas un seul mot pendant toute la nuit. Accordé, à condition que les prières que monsieur fera ne seront pas regardées comme une infraction au traité. Il n'y eut qu'un point d'oublié. C'était la manière dont la dame et moi nous nous déshabillerions et nous nous mettrions au lit. Il n'y avait qu'une manière de le faire, et le lecteur peut la deviner. Je proteste que si elle ne lui paraît pas la plus délicate et la plus décente qu'il y ait dans la nature, c'est la faute de son imagination. Enfin, nous nous couchâmes. Je ne sais si c'est la nouveauté de la situation ou quelque autre chose qui m'empêcha de dormir, mais je ne pus fermer les yeux. Je me tournai tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et cela dura jusqu'à 2 heures du matin. Qu'impatienté de tant de mouvements inutiles, il m'échappa de m'écrier « Oh mon Dieu ! Vous avez rompu le traité, monsieur !» dit avec précipitation la dame qui n'avait pas plus dormi que moi. Je lui dis que non, en soutenant que ce n'était qu'une exclamation. Elle voulut que ce fût une infraction entière du traité. Et moi je prétendais qu'on avait prévu le cas par le 3e article. La dame ne voulut pas céder. et la dispute affaiblit un peu sa barrière. J'entendis tomber par terre deux ou trois épingles des rideaux. « Sur mon honneur, madame, ce n'est pas moi qui les ai détachés, lui dis-je, en étendant mon bras hors du lit, comme pour affirmer ce que je disais. Et j'allais ajouter que, pour tout l'or du monde, je n'aurais pas voulu violer l'idée de décence que je... Mais la femme de chambre qui nous avait entendus, et qui craignait les hostilités, était sortie de son cabinet, et s'était glissée doucement dans le passage qui était entre le lit de sa maîtresse et le mien. Et en étendant le bras, je saisis la femme de chambre, et etc., etc. Mais honni soit qui mal y pense, le jour parut, et nous n'eûmes point à rougir de nous voir. Nous partîmes, je gagnai Rennes, et la dame et sa femme de chambre allèrent où elles voulurent. Fin de la seconde et dernière partie.